Saturne. Qu'est-ce que cette voix chétive qui murmure? Terre, à quoi bon tourner dans ton champ si borné, grain de sable, d'un grain de cendre accompagné? Moi, dans l'immense azur, je trace un cercle énorme. L'espace avec terreur voit ma beauté difforme. Mon anneau, qui des nuits empourpre la pâleur, comme les boulots d'or que croise le jongleur, lance, mêle et retient cette lune colossale. Le soleil. Silence au fond des cieux, planète mes vassales. Paix, je suis le pasteur, vous êtes le bétail. Comme deux chars de front passent sous un portail, dans mon moindre volcan, Saturne avec la terre entrerait sans toucher aux parois du cratère. Chaos, je suis la loi. Fange, je suis le feu. Contemplez-moi, je suis la vie et le milieu, le soleil, l'éternel orage de lumière.